Voilà, bonjour à tous et bienvenue sur l'antenne d'Alternantes, c'est Bouquins en Bretagne, que je vais présenter aujourd'hui en compagnie de mon camarade et ami Étienne. Oui. Salut Étienne. Salut. Alors aujourd'hui, deux invités dans notre émission. Alors tout d'abord, Dominique Labarrière qui va nous présenter son dernier ouvrage publié aux éditions Alphée, La diabolique affaire des Templiers. Bonjour Dominique. Bonjour Daniel, bonjour bien, Étienne. Bien content de te retrouver. Et dans une seconde partie d'émission, nous écouterons donc une interview réalisée il y a quelques jours en compagnie de Stéphane Grangier, qui nous présentera son livre « Chien dans la nuit », un recueil de 5 histoires très noires publiées aux éditions de la Rue Nantaise. J'en ferai une petite présentation tout à l'heure dans la deuxième partie. Alors, Dominique, hors antenne, on en parlait déjà un petit peu. Avec Étienne, on se posait la question. Bon, on te sait très au fait donc, des affaires judiciaires plutôt contemporaines. Qu'est-ce qui t'a poussé à t'intéresser à cette affaire des Templiers, qui est une grande affaire dans l'histoire de France, hein? C'est une grande affaire dans l'histoire de France, c'est une grande affaire de l'histoire judiciaire aussi. Parce que c'est le premier grand procès politique de notre histoire, et surtout ce qui est très intéressant quand on s'intéresse à la chose judiciaire, c'est que c'est un procès qui a lieu sur les mêmes faits, concernant les mêmes personnes, et qui a lieu dans le même moment en France et en Angleterre. Et on s'aperçoit déjà qu'il y a une distinction entre la manière de traiter la procédure pénale judiciaire en Angleterre et en France. Par exemple, par rapport à la torture, par rapport à un certain nombre d'actes de procédure qu'on utilise ici et qu'on n'utilisait pas déjà en Angleterre à cette époque-là. Donc on peut planter peut-être le décor, si tu veux. C'est le début du... la création de l'ordre des Templiers, donc, c'est dans le 12e à peu près. Oui, c'est-à-dire... C'est, le temps des croisades. Au début du 12e siècle, il est apparu très, très important d'assurer militairement la protection des lieux saints, c'est-à-dire Jérusalem, et des nombreux pèlerins occidentaux, des chrétiens occidentaux qui allaient sur les lieux saints. Donc quelques nobles français ont eu l'idée de constituer une milice monacale pour protéger ces lieux saints. Et ils se sont inspirés, on ne le sait pas, mais aujourd'hui ça prend tout son sens, de ce qui existait déjà, c'est-à-dire le djihad, c'est-à-dire le djihad musulman, c'est-à-dire la guerre sainte, enfin les groupes religieux militarisés qui existaient déjà. Donc cet ordre a été créé donc, en 1109, hein, à peu près, puisque ça a duré quelques mois, cette création, ça chevauche sur 2 années, et c'est le seul ordre, ça c'est très important, qui dès sa constitution, dès son principe existentiel, cumule l'ordre religieux et l'ordre militaire. Les autres ordres, comme l'hospitalier, les hospitaliers ou les chevaliers teutoniques plus tard, ne seront militaires que par la force des choses. C'est-à-dire c'est en réaction à des situations d'attaque à Jérusalem que les hospitaliers vont devenir militarisés. Mais dès la Constitution, les Templiers ont la puissance religieuse et la puissance des armes. Donc le droit de tuer, si on veut. Le droit de tuer, c'est déjà une première anomalie dogmatique, c'est-à-dire que c'est la transgression du 5e commandement, tu ne tueras point, eh bien, eux sont le glaive et la croix tout à la fois. Et cette puissance, dès l'origine, va être extrêmement pénalisante à la fin de 2 siècles d'existence de cet ordre. Juste un mot, parce que tout le monde a entendu parler des Templiers, mais le terme temple, on peut peut-être donner la raison de cette appellation ? Oui, alors ça a donné lieu à un tas de malentendus et de confusions dans les interprétations par la suite. C'est tout simple, c'est-à-dire qu'ils sont, ils font vœu de pauvreté, bien sûr, au départ. Les Templiers sont pauvres, mais l'ordre est très riche. Et le roi de Jérusalem de l'époque, qui est Baudouin II, leur donne comme local une dépendance du temple de Salomon. Donc ils s'appellent les pauvres chevaliers du Christ, et comme leur localisation c'est le temple, ils vont s'appeler les chevaliers du temple. Oui, tout à fait. Ben, oui, moi j'ai suivi avec toi pareil, pareillement cette histoire. Et c'est vrai qu'on apprend beaucoup de choses, et je dirais la force du livre d'abord c'est de rendre les choses assez simples, alors que c'est une histoire extrêmement compliquée. Et je dirais, ce qui me semble important là-dedans également, c'est de distinguer le côté puissance financière et puis également le rôle du roi d'un côté, le rôle de l'Église alors, et du pape. Oui, dans tous les malentendus qu'il y a eu, la deuxième raison pour laquelle je me suis intéressé à ça, c'est les a priori et les idées toutes faites. C'est-à-dire que dans ce que j'avais appris, dans ce que nous avions tous appris, c'était cet horrible Philippe le Bel qui, voulant s'emparer de l'immense fortune de ces braves Templiers, d'un trait de plume et en trois nuits de mauvais complot, avait liquidé l'ordre du Temple pour s'emparer des richesses. Et il était aidé en cela par un très sale type qui s'appelait Guillaume de Nogaret et qui était une horrible crapule, et tout ça, ça s'était fait sans scrupule. Et la question que je me suis posée tout bêtement en lisant des ouvrages, c'était de m'apercevoir que Philippe le Bel, l'année précédente, 1306, avait expulsé les Juifs de France pour prendre leurs biens, qu'un peu plus tôt, il avait expulsé de France les banquiers lombards pour prendre leurs biens, et que tout ça n'avait pris que quelques jours, le temps d'une décision et d'un trait de plume. Or, pour les Templiers, voilà que ça prend 7 ans. Il y a 7 années de procédures croisées entre une justice royale et une justice pontificale. Je me disais, pourquoi 7 ans pour faire ce qui peut se réaliser d'un trait de plume, par le caprice du roi? Et c'était ça qui devenait intéressant, c'est-à-dire pourquoi se donner tant de peine pour légiférer sur quelque chose sur lequel on n'a pas besoin de légiférer. Mais Philippe le Bel, c'était un peu l'homme de marbre, hein, c'est l'idée qu'on a dans l'histoire. Oui, c'est l'homme insensible, on va dire. Ouais. Il va laisser derrière lui des enfants particulièrement fragiles, les fameux rois maudits. Oui, oui. Mais Philippe le Bel également, c'est quelqu'un qui est, comme tous les souverains de son époque, profondément marqué par la foi chrétienne. Et il agit aussi en fonction de la crainte de l'au-delà. C'est-à-dire que c'est probablement... D'abord, c'est le petit-fils de Saint-Louis. Ouais. C'est probablement celui dont la foi est la plus pure et la plus authentique dans toute cette histoire-là. Oui, il semble assez droit dans son comportement personnel. Philippe le Bel est irréprochable. Oui. C'est ça qui scandalise les gens. Il est irréprochable. On lui a cherché des noises après. Enfin, il est veuf de Jeanne d'Aragon. Il ne se remarie pas. Il n'a pas de liaison. Il ne connaît pas d'histoire d'alcôve. Il va constamment en pèlerinage au Mont-Saint-Michel, dans telle abbaye du nord de Paris. Il est d'une foi authentique. Et il est profondément choqué par ce qu'il apprend sur les Templiers, et il est aussi extrêmement choqué du comportement du pape, des deux papes auxquels il aura affaire, Boniface VIII et Clément V. Entre les deux, il y a un pape qui vit quelques mois, ça n'a pas d'importance, par leur comportement qui, eux, sont tout à fait des comportements de paillards, quoi, de viveurs. Ils annoncent les Borgia. Donc, si ce livre a un petit intérêt, c'est aussi de réhabiliter Philippe le Bel. Dans ce qu'il a de plus extraordinaire et aussi de plus facile à critiquer, c'est son sens exceptionnel de l'État. Oui, parce qu'on sent qu'il essaie quand même de se démarquer de l'Église. Ça, c'est une chose. L'enjeu politique de ces 7 années de procédure, c'est d'affirmer la suprématie d'une justice d'État par rapport à la prépondérance jusqu'alors d'une justice pontificale, c'est-à-dire de prendre le pas de l'État, j'allais dire laïque pour parler comme aujourd'hui, sur une justice et une interférence religieuse permanente dans les affaires du royaume de France. Alors, la question qui est l'essentiel de ce livre, c'est de savoir pourquoi, justement, à un moment, cet ordre du Temple n'est plus en odeur de sainteté et qu'il va y avoir plusieurs années de travail d'enquête sur cet ordre. Alors, le grand cataclysme du Temple, mais dont on n'a plus du tout une idée aujourd'hui, c'est bien évidemment la perte définitive des lieux saints. En 1291, perte de Saint-Jean d'Acre. On a perdu Jérusalem en 1943, c'est-à-dire la perte définitive de ce qui fait l'idéal de croisade depuis plus de 2 siècles, parce que les Templiers existent depuis 2 siècles, mais les croisades ont commencé bien avant, 1 siècle plus tôt. C'est-à-dire tout cet idéal du Moyen-Âge, qui était l'idéal de la croisade, de la conservation et de la défense des lieux saints, d'un seul coup s'effondre. Alors ça s'effondre, c'est le Christ recrucifié, pour parler avec exagération des choses. Mais l'Occident chrétien se trouve dans un état d'humiliation dont on n'a plus idée aujourd'hui. Mais comme on a tout perdu, il faut qu'on n'ait pas tout perdu. Donc sur cette défaite, on va essayer de faire des terreaux d'une victoire qui est différente. C'est-à-dire on va créditer les Templiers du trésor. Et le trésor a 3 strates différentes. Il y a le trésor supposé des richesses matérielles. Il y a le trésor ésotérique, toutes les foutaises qu'on a pu raconter qui sont d'une sottise absolument invraisemblable et qui compliquent cette affaire, qui est une affaire finalement assez simple malgré sa complexité. Et puis le trésor qu'on a voulu religieux, c'est-à-dire faire à toute fin de ces Templiers des martyrs de leur foi, les victimes de ce roi absolument cynique, pour les sanctifier, pour les sauver, c'est-à-dire dire leur royaume n'était pas le royaume de Jérusalem, mais le royaume des cieux. Donc on a essayé de magnifier dans ce désastre des choses qui n'avaient pas à être magnifiées. Je fais observer pour ceux qui défendent encore l'idée, comme je l'ai lu récemment dans un livre tout récent, l'idée des Templiers martyrs de leur foi et des victimes vraiment injustement accusées, qu'à aucun moment en sept siècles d'histoire, le Vatican n'a cherché à canoniser ni à béatifier aucun des grands maîtres de l'ordre, ni aucun Templier d'ailleurs. Mmh. Donc les Vaticans qui a les archives, qui disposent des archives nécessaires, c'est bien à quoi s'en tenir sur les dernières années de la vie de l'ordre. D'accord, tout à fait. Mais on voit bien aussi que quand ils les interrogent, on va dire aujourd'hui les interviews, enfin on essaie d'avoir leurs aveux, quoi, Jacques Demoulin notamment, ils disent une chose, ils reviennent, ils hésitent eux-mêmes finalement dans... Alors, pour revenir un peu en arrière, une fois que ces lieux saints ont été perdus, la question se pose très vite de l'utilité de l'ordre du temple. Ah oui. S'il n'y a plus de lieu saint à défendre, s'il n'y a plus de pèlerins à aller à Jérusalem, pourquoi continuer à entretenir les privilèges absolument exorbitants de l'ordre du temple? Il faut savoir que l'ordre du temple, dès sa création, peu de temps après, bénéficie d'un statut absolument incroyable. Oui, il y a une impunité quasiment en général. Impunité générale. Il ne dépend de personne, sinon du pape, quand le pape a les moyens et la possibilité de s'y intéresser. Il ne paie aucun impôt. Il est habilité à percevoir des dons qui valent indulgences dans l'au-delà, où on croyait aux indulgences pour gagner du temps de purgatoire. Ils sont habilités à traiter des affaires commerciales, ce qui est contradictoire un peu. Fortement contradictoire avec l'Évangile. Les Templiers vont, comme je l'ai dit, avoir d'abord une puissance religieuse, une puissance des armes, qui très vite va se transformer en puissance économique et financière. Ils créent la banque, les banques internationales, avec leur réseau de commanderies à travers tout l'Occident et tout l'Orient. Ils sont les premiers manipulateurs d'argent pendant deux siècles du monde connu d'alors. Ils vont prêter des sommes considérables aux monarques, ils vont emprunter aux plus humbles. Je cite dans le livre des exemples de chemises de pauvres laboureurs données en caution pour des prêts misérables. Ils vont prêter l'argent aux pèlerins pour faire le voyage à Jérusalem en leur faisant signer un acte d'héritage s'ils ne reviennent pas de ce pèlerinage. C'est-à-dire vous arrivez à ce qu'on appelle aujourd'hui un conflit d'intérêts absolument invraisemblable, c'est-à-dire qu'ils sont chargés de protéger des gens dont ils hériteraient s'ils venaient à mourir. C'est assez cynique. Mmh. Donc il y a cette accumulation de privilèges qui perdure, bien que les lieux saints aient été perdus. Et donc ça va créer une espèce d'impopularité très grande de l'ordre du temple. Les gens vont se dire, mais pourquoi ? Pourquoi tant de privilèges qui ne sont plus utilisés ? Et donc on va arriver à une impopularité croissante qui va faire qu'un pape, à un moment donné, va éditer, non pas une bulle, c'est pas de cette importance-là, mais une sorte de recommandations disant, écoutez, arrêtez de cracher sur les Templiers quand vous les voyez et cessez de les faire tomber de cheval quand ils sont tout seuls. C'est vous dire à quel point ils sont impopulaires. Le langage de l'époque nous dit boire comme un Templier. Aller au temple, c'est aller au bordel. C'est dire la réputation qu'avaient ces gens-là. Et lorsqu'ils sont arrêtés en octobre 1307, donc, pas une voix dans le royaume ne s'élèvera pour prendre la défense de cet ordre. D'ailleurs, dans l'acte définitif qui supprimera l'ordre par Clément V lors d'un petit concile, lors du concile de Vienne sur le Rhône, ce sera un des attendus de sa décision. Pas une voix ne s'est élevée dans le royaume pour les défendre. Ça, c'est quand même pas tellement surprenant, parce qu'il faut quand même savoir que tout le monde a peur du roi. Philippe le Bel, à la suite de son grand-père, de son père également. On est dans un État qui se centralise de plus en plus. La force, c'est le roi. Non. Donc on a quand même peur de ça. Pardon Étienne, mais c'est la vision post-romantique de la monarchie. Je pense pas. Je crois qu'il y a eu un progrès du centralisme à partir de Saint-Louis, et notamment de son fils, son petit-fils. Et on va amplifier ça avec Louis XI au siècle suivant. Alors, parlons sérieusement et ne donnons pas simplement des opinions un peu en l'air. Philippe le Bel crée par exemple la Chambre des comptes. Oui, c'est ça. Il organise l'État. Il organise l'État, mais il délègue des pouvoirs. Et il est au sommet de la pyramide. Non, mais il est au sommet de la pyramide, mais il l'était avant. Il crée un véritable parlement. Le parlement cesse des parlements itinérant au bon vouloir du roi qui convoquerait, le Parlement devient une institution définitive, avec des représentants qui ont voix au chapitre. Il étend le royaume vers l'est, vers le sud, vers le Languedoc. Il crée une administration cohérente. C'est l'œuvre de Nogaret, qui est, contrairement à ce qu'on a dit, pas un sale type, c'est un des meilleurs juristes de son temps. Il crée un certain nombre de structures qui vont donner à la monarchie sa structure pyramidale, mais c'est sa nature d'être pyramidale. Je ne vois pas pourquoi on pourrait faire la critique à la monarchie d'être une monarchie. Je ne critique pas, je dis simplement que c'est un souverain qui, lui, a la force. Souvent, il y a des souverains qui sont souverains, ils sont au sommet de la pyramide, mais les autres les contestent parce qu'ils n'en ont pas peur. Alors, Philippe le Bel faisait peur. Dans cette affaire-là, à chaque fois, il convoque les autorités qui sont importantes, l'université. Dès le lendemain de l'arrestation des Templiers, il convoque l'université, il convoque les états généraux à Tours. Ça s'appelle pas les états généraux encore, mais ça n'est pas tout à fait ça. Mais il a, les représentants, au contraire, un maximum de délégations de représentation qui font l'assise de son pouvoir, mais une assise pratiquement venue d'en bas. Enfin, y a un double ascenseur. Mais il est évidemment le monarque suprême de cette affaire-là. Voilà, c'est vrai qu'on pourrait parler longtemps du pouvoir. Je crois qu'il faut qu'on revienne et qu'on situe les choses. Qu'est-ce qui va faire chuter l'ordre du Temple ? C'est des dénonciations, il faut bien qu'il y ait une enquête qui démarre, et elle démarre à partir de quelle... Pour quelle raison ? Alors, il y a des rumeurs persistantes les 70 dernières années de l'ordre du Temple, il y a tous ces abus, et les rumeurs persistantes tournent autour principalement des cérémonies d'intronisation dans l'ordre du Temple. C'est-à-dire que on pense qu'il procède à des rites hérétiques, cracher sur la croix, adorer une idole à tête de chat qu'ils appellent Baphomet, qui doit être une déformation de Mahomet, qu'il se livre à la sodomie, c'est-à-dire qu'il y a une règle non dite qui dirait qu'il vaut mieux se soulager entre frères que d'aller tirer son petit coup ailleurs. Chose qui était très répandue à l'époque. Uriner sur la croix. Uriner sur la croix. Enfin, il y a tout un tas de rites qui sont... Et dès lors que Philippe le Bel et sa police qui est une police comme toutes les polices de tous les temps, eh bien, ils vont procéder à des procédés policiers en faisant parler d'anciens templiers, en envoyant des infiltrés voir ce qui se passe et tout ça. Et on construit un acte d'accusation dont je donne l'intégralité du texte en annexe du livre. Et cet acte d'accusation tourne autour de l'hérésie, du sacrilège, de la sodomie, et puis aussi de la simonie, mais moins simonie, c'est-à-dire se faire financer des actes religieux. Alors là, il y a un personnage qui émerge, c'est le grand maître de l'ordre, Jacques de Molay, il faut qu'on s'y intéresse. Puisque lui-même met déjà le roi un peu au parfum dans les premières années, en disant, effectivement, il y a des choses pas très nettes, pour expliquer brièvement. Donc il est déjà, il sème le doute lui-même. Dès les années 1270 et le concile Lyon II de 1274, apparaît l'émergence de la nécessité d'une réforme de l'ordre du Templier. On s'aperçoit bien que ça ne va plus, ça ne correspond plus à l'époque. Et donc, Jacques de Molay, qui donc, est le nouveau grand maître, parle tout le temps de réforme. Il ressemble à des gens assez modernes. Et il parle tout le temps de réforme, mais il ne les fait jamais. Par exemple, il fait des réformettes. Les Templiers, comme ils étaient des guerriers, avaient le droit de manger de la viande 3 fois par semaine, luxe exorbitant pour l'époque. Il dit, on va faire une réforme importante, on va servir de la viande plus d'une fois par semaine, comme si c'était la réforme. Mais il ne les fait jamais, donc il y a, la marmite commence à bouillir. Et donc, il est un homme d'appareil, donc il n'est pas l'homme de la situation. Et quand il arrive en France pour son deuxième voyage en France, sur convocation du pape, pour étudier avec le maître des hospitaliers et le pape une possibilité d'une énième croisade, mais enfin ça n'est plus qu'un discours. Dès 1274, il y a quelqu'un qui au concile de Lyon dit la croisade n'est plus qu'un roquet qui aboie. Donc il est convoqué en France et là, dans ce climat occidental, il reconnaît qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas dans l'ordre. Et alors les défenseurs de Jacques de Molay disent « Mais oui, mais c'était des petits règlements intérieurs qui ne fonctionnaient pas. » Moi, je dis « Attention, s'il dit devant le pape et devant le roi qu'il faut réformer un peu l'ordre, c'est sûrement pas sur des petits points... » Donc il sème le doute, comme tu le disais très justement. Et là, c'est le début d'un engrenage qui va aller vers l'accumulation d'accusations. Et ce qui est étonnant après, c'est que lui-même, sans être soumis à la question, comme on le disait à l'époque, va vraiment donner des aveux circonstanciés qui ne donnent pas de doute de la culpabilité, on va dire, des membres de l'ordre. Et c'est là que c'est une grande question. Pourquoi avoue-t-il des crimes commis par l'ordre et tout, presque spontanément ? Alors oui, presque spontanément. Quelques jours après l'arrestation, alors qu'il n'est pas soumis à la torture, il ne sera jamais soumis à la torture, il le dit lui-même, j'ai parlé par peur de la torture. La peur de la torture, on peut considérer que c'est déjà une torture psychologique, mais c'est le grand maître de l'ordre du temple. Ils ont été courageux, le temple a été magnifique pendant 130 ans, c'est après que ça commence à merder, si on peut ainsi dire. Donc il avoue très vite. Et là où il y a un cynisme, je vais donner raison à Étienne, d'État, c'est que très vite, une fois qu'il a avoué, on le présente aux étudiants parisiens, à l'université parisienne, à tout ce qu'on appellerait aujourd'hui les corps constitués, et on le présente, et il est dans son intégrité physique, telle qu'on a pu constater qu'il était 12 jours ou 15 jours auparavant, à l'enterrement de la belle-sœur du roi, où de nouveau, il tenait un cordon du poil, il était en majesté officielle. Donc, et là, il a avoué l'intégralité des charges. Pourquoi ? Parce qu'à mon avis, il y a un tel dérapage culturel entre ces gens qui viennent d'Orient, il n'a connu que l'Orient, Jacques de Molay pratiquement, que les aveux sont... ce qui est scandaleux ici ne l'est pas tout à fait pour eux. C'est-à-dire que peu à peu, au fil et à mesure, c'est très intéressant, des interrogatoires, certains templiers vont dire, mais cracher sur la croix du Christ, c'était se dépouiller des apparats de la foi d'avant pour entrer dans une foi supérieure, au-delà des images. On sait que la religion musulmane n'admet pas les images. Ils étaient au contact de cette culture-là depuis deux siècles. Donc il y a des interférences culturelles qui font que la gravité pour un moine occidental ou pour un prêtre ou un juriste occidental n'est pas la même gravité pour eux. Relatif. Et ils invoquent aussi tel hommage à un templier du passé qui, pour sauver Jérusalem, pour sauver des vies, aurait accepté de se parjurer, de cracher sur le Christ, mais dans un bon sens. Et en hommage à cette... Alors, il y a tout ça qui interfère, mais il n'en reste que les faits semblent avoir été commis. Et un bon procureur, comme aujourd'hui, oh, moi je m'en fous, les raisons de ceci ou de cela, les faits ont été commis, voilà. Oui, donc, de toute façon, ça ne pouvait aller qu'à aboutir à ce qui sera la mort et des deux de Jacques de Molay et de... Alors, la mort de Jacques de Molay et de Gonneville, c'est-à-dire le grand maître de Normandie, en 1314, elle est due à l'irritation du roi, qui cette fois agit en monarque absolu et dit « Moi, j'en ai marre des revirements. Jacques de Molay avoue. Après, il se rétracte. Après, à Chinon, devant les envoyés du pape, c'est-à-dire pas devant, il y a des gens du roi qui sont là, mais devant les envoyés du pape, alors qu'il ne dépend pas de la justice du pape à ce moment-là, il avoue de nouveau. Après, il se rétracte, il avoue. Et au soir du verdict donné par le pape, qui envoie des cardinaux à Notre-Dame de Paris, dire le verdict en disant les responsables de l'ordre du temple devront être emprisonnés, emmurés, on dit à l'époque, à vie. Là, il se rétracte de nouveau en disant l'ordre est saint. Le roi en a ras-le-bol, pardonnez-moi l'expression, il dit bon, au bûcher, ces deux-là. Voilà. Et puis ça se fait presque en catimini. Ça se fait tout de suite, dans la foulée. Le peuple qui assistait au verdict peut assister à l'exécution, puisque l'exécution a lieu dans une île qui s'appelle l'île aux Juifs à l'époque, l'île aux Juifs à côté de Notre-Dame. Mais ça, c'est l'irritation. Mais avant, il y a tout ce comportement absolument déconcertant. C'est-à-dire que quand il avoue lui-même, il fait passer un message aux autres templiers en disant faites comme moi, avouez. Après, quand il se rétracte, il envoie un autre message aux templiers. Il faut se rétracter. Alors, il faut savoir que dans la justice du temps, avouer l'hérésie, on est pardonné. Donc beaucoup de templiers seront libérés, tous n'ont pas été brûlés, ça c'est un fantasme encore. Mais si on se rétracte, c'est-à-dire on retombe dans l'hérésie, on est relapse, et c'est plus grave que tout. Là c'est la mort, voilà. Donc à chaque fois il y a ce jeu. Et Jacques de Molay tombe dans le piège, alors là c'est magnifique, c'est la justice du temps, alors là Étienne a raison, c'est la justice du roi dit « moi je veux juger les templiers en tant que personne », c'est déjà l'affirmation d'une justice ad hominem, homme par homme, et la justice du roi va juger l'ordre. C'est-à-dire qu'on va arriver à ce scandale judiciaire absolument incroyable en 1309, c'est-à-dire qu'il y a des templiers qui ont avoué individuellement avoir commis les monstruosités, cette empapaouter les uns les autres, enfin tout ce que vous voulez, et qui vont vouloir se présenter lorsqu'on en appelle à la défense de l'ordre. Et là, il y a le nouveau évêque tutélaire de Paris, qui est l'évêque de Sens, qui est Marigny, le frère du conseiller de l'époque après Nogaret, et qui dit, mais attendez, vous avez avoué en tant qu'individu, vous défendez l'ordre, donc vous êtes relapse et vous serez brûlé. Et le soir même, il en brûle 54. C'est une horreur. C'est une horreur, mais qui montre le souci qu'on a de faire de la légalité dans l'horreur, mais tout à une forme légale. Et on passe très vite, on pourrait passer plus de temps à parler de cette affaire. Tu as dit en début d'émission, c'est ce parallèle que tu faisais entre la justice, puisque la justice anglaise et française, puisque Philippe le Bel souhaitait que d'autres États, notamment l'Angleterre, prennent les mêmes dispositions que ce que prenait lui. Hein. Voilà. Philippe le Bel et le pape le veulent. C'est-à-dire que le pape ira même jusqu'à écrire au roi d'Angleterre, le jeune Édouard, tout fraîchement roi, lui dit, écoute... C'est le gendre de Philippe. C'est le gendre de Philippe. Le pape lui écrit en disant, faudrait que tu tortures un petit peu, parce que là, c'est un peu mou, ton histoire, pas beaucoup. Il ne torture pas. Alors, pour deux raisons, ce n'est pas forcément la grandeur d'âme d'Angleterre, c'est que l'enjeu politique n'est pas le même en Angleterre. Le pouvoir pontifical en Angleterre, il n'existe pas. Et puis, il y a une tradition anglaise que j'ai retrouvée. J'ai beaucoup travaillé sur les archives anglaises qui sont bien sur les Templiers, parce qu'ils sont moins concernés, moins pollués par tous nos fantasmes. C'est que depuis un siècle ou deux, il existe ce qu'on appelle la Carta Magna, c'est-à-dire la Grande Charte. C'est la noblesse anglaise qui a imposé au roi la Grande Charte, qui lui dit « tu peux faire ça, tu peux pas faire ça, tu peux nous faire ça, mais tu peux pas nous faire ça ». Donc la monarchie est déjà extrêmement, beaucoup moins absolue. Et là, tu as raison, qu'en France. Donc, l'anglais n'a pas les raisons politiques de harceler. D'abord, ses templiers sont beaucoup moins nombreux. Donc, quand il va y avoir des tortures en Angleterre, c'est des Français qui s'en vont torturer en Angleterre. Mais ils torturent plutôt des gens qui gravitent autour du temple que des templiers eux-mêmes. Et le roi d'Angleterre ne torture pas. Et les aveux, ça c'est très troublant, ils font les mêmes aveux que ceux de France. Donc, c'est pas forcément la torture. Et plus inquiétant encore, il y a des templiers qui sont dans l'entourage immédiat du pape, qui évidemment ne sont pas torturés, et le pape leur dit « mais les gars, qu'est-ce qui se passe ?» et qui font à peu près les mêmes récits que ceux qui étaient torturés. Et tous les Templiers de France, ça je tiens à le dire, n'ont pas été torturés. Hein, c'est un fantasme qui a été fait après. Pourquoi ces fantasmes sur les Templiers? Parce que pour la tradition chrétienne, les Templiers sont les victimes de l'ordre d'État. De l'ordre laïque, de l'anti-religieux qui est supposé être Philippe le Bel. Et pour la tradition laïque post-révolution 89, ils sont les victimes d'un pouvoir absolu, de la monarchie absolue. Donc c'est récupérable par les deux camps, si je puis dire. Alors comme c'est récupérable par les deux camps, ça devient extrêmement confortable. Donc on invente tous les fantasmes du trésor à trois strates dont j'ai parlé tout à l'heure. Voilà, bon, on est presque arrivé. Tout pivot, 1314, la malédiction et le télescopage des morts. Oui, non, ça c'est aussi fantaisiste. C'est intéressant. C'est fantaisiste. La malédiction, elle n'apparaît qu'après la mort commode du roi et du pape, qui se trouvent mourir dans la même année. Nogaret est mort l'année d'avant sans qu'il ait jamais eu aucune prédiction. Donc tout ça, c'est fantaisiste. C'est créé, c'est le début des rois maudits, et c'est le début de cette fantasmagorie que je baptise de romantique sans référence à la période, mais c'est très sourd et lumière. Vous savez, le roi, il meurt, il est à ce moment-là au pouvoir depuis 32 ans, il doit avoir 45 ans, à l'époque, c'est pas scandaleux, il meurt à la chasse, je crois, autant qu'ils m'en souviennent. Voilà. Mais c'est le premier grand procès politique de notre histoire, et c'est le premier, encore une des raisons de m'y intéresser, c'est que c'est un fabuleux polar. Merci Dominique, c'est vrai que ça va très vite, on aurait pu continuer. Alors je rappelle, la diabolique affaire des Templiers par Dominique Labarrière aux éditions Alphée, un ouvrage très très intéressant, et pour les gens qui connaissent pas trop l'histoire et qui ont envie de développer, ben là il y a plein d'éléments intéressants. Avant qu'on écoute un morceau des Trianes qui fêtent leurs 40 ans de chansons cette année, Étienne... C'est des petits vieux les Trianes. Oui, on va peut-être quelques mots sur les livres avant qu'on écoute dans la deuxième partie. Oui, et juste un mot, effectivement, Dominique aurait dû venir parler d'un autre livre avant celui-ci, La diabolique affaire des Templiers. C'est un polar qui est sorti il y a quelque temps. Et Dominique, c'est Les Trois Folies Nantaises. Mais je pense qu'on aura peut-être l'occasion d'en reparler. Je suis ton homme. Voilà, je ne suis pas brûlé sur les bûchers d'Étienne. Non. Mais transition parfaite. Un livre qui vient de sortir chez Livre Édition, un très beau livre qui est édité pour l'abbaye de Beauport. Saint moine de Quiriti, priez pour nous, du moins ceux d'entre vous qui étiez pieux. Ah, il y a un très très beau livre qui a donc été écrit sur, sur l'abbaye de Beauport, et on en parle un petit peu. Et les auteurs ajoutent qu'ils sont passés de belles à l'abbaye de Beauport, aux alentours de Quiriti, à Paimpol, en Pays Gallo, meurtre en série, viol, adultère, etc. Hein, et il semblerait même que Saint-Yves, qui est le saint, la référence des avocats, ait essuyé ses fonds de culotte un petit peu à l'abbaye de Beauport. C'est un lieu superbe d'ailleurs à visiter à côté de Paimpol. Hein. Ah bon? Oui, oui. Trois autres livres très rapidement, Les Corbeaux d'Airain également aux éditions Arcade, c'est très intéressant, c'est une histoire qui se déroule au début du deuxième siècle de notre ère en Irlande, et c'est une écrivaine, comme on dit maintenant, britannique, qui a écrit ça avec une très bonne traduction, respect de l'orthographe gaélique, c'est un peu original, et puisqu'il faut faire vite, je signe également un livre qui a été écrit par Anne Guillou, une docteure en sociologie, qui a travaillé longtemps à l'université de Brest. Nos Maudites, c'est tout simplement une jeune femme qui a été exécutée pour avoir tué son enfant alors qu'elle-même était le fruit d'un adultère. Et enfin, un dernier livre d'une écrivaine également connue en Bretagne, Anaïs Grenot, qui s'appelle Le Dieu vagabond, aux éditions Diabase. Voilà un petit service de presse, Daniel. Très bien, merci. On va... Oui, je peux donner un rendez-vous à nos auditeurs. Le monde des religions, le prochain monde des religions consacre un dossier important autour de mon travail sur les Templiers, un dossier de 10 pages. Très bien, bah c'est intéressant. Très bien. Le monde des religions. L'info est passée. Merci, Dominique. On écoute, on reste un peu dans les problèmes de justice aussi. Tout le monde connaît Marion Dufaouët. On va écouter un titre qui s'appelle « La complainte de Marion Dufaouët », tiré donc de ce dernier album de Triane. À tout de suite. Blanche sans dentelle, avant de jeter en pâture ta chair et ton âme rebelle. Lors ils t'ont mise à demi nu en seule chemise de lin blanc, au regard des bourgeois ventrus sous les lazis des bien-pensants. Te fut prédit à la naissance, grand destin, mais du mal côté. Tu as grandi, maigre pitance, de pain chipé sur les marchés. Mercière le jour, la nuit brigande, qu'errant fortune en grand chemin. Rousse et Géry, menant ta bande, sans jamais de sang sur les mains. Dans un bel et secret commerce, m'offrit tes friolets mutins, tes yeux jaunes qui mon cœur perce, l'iris de ton joliet tout nain. Sois-tu maudit, bourreau infâme, qui au fouet déchira sa peau, pour l'heure des douairières qui se pâment, a marqué au fer son dos. Malheur au juge en rouge robe, ces noirs maquignons de l'encou, qui la vérité vous enrobe selon les grès de leur courroux. Ce soir au nom du roi de France, que d'aucuns disent le bien-aimé, ils te conduisent à la potence par devant la foule dressée. maison des fêtes à chevelure, couleur de coucher du soleil, passer trois cordes en encolure, et parura ton cou merveille. Voilà, nous venons d'écouter un extrait, donc c'était La Complainte de Marion Dufaouët, hein, tiré du dernier album de Trian, qui, on rappelle, fête cette année leurs 40 ans de chansons. En générique de fin, nous écouterons un autre titre de tiré de cet album. Maintenant, nous allons écouter une interview réalisée il y a quelques jours en compagnie de Stéphane Grangier. Il nous présente son premier roman, Chien dans la nuit, publié aux éditions de la Rue Nantaise, un recueil de 5 histoires très noires, à ne pas mettre entre toutes les mains. C'est 5 histoires qui se déroulent en Bretagne, aussi démoniaques les unes que les autres, sont écrites avec talent et un humour décalé. Il n'est pas donné à tout le monde d'écrire ce type de littérature et on va rendre hommage à Stéphane Grangier qui a réussi ce pari. Donc on l'écoute immédiatement et on se retrouve en fin d'émission. Et j'ai écrit plusieurs fois dans une revue qui s'appelle L'œil électrique, à Rennes. C'était toujours une espèce de... J'aimais bien le confronter en fait la réalité à la fiction. Je vais écrire un texte, c'était plutôt sur mon expérience à Citroën, de tout ça en utilisant la fiction. Pour la raconter. D'accord, donc voilà. c'était vraiment beaucoup plus terre-à-terre que ce que vous avez publié là. Donc je rappelle donc le titre de cette nouvelle publication parue aux éditions de la Rue Nantaise, hein, c'est Chien dans la nuit. Alors donc c'est 5 nouvelles et le livre porte le titre de l'une d'elles, donc Chien dans la nuit. Hein, donc 5 histoires, on va dire, à ne pas mettre entre toutes les mains. Et je dirais, si on y plonge, faut accepter de jouer le jeu de l'auteur. Devenir quelque part son complice. Alors est-ce qu'on pactise un peu avec le diable, Stéphane ? Non. Je pense qu'on a une part chacun de noirceur ou de jeu ou peut-être d'enfance en fait, qui est un petit peu pas perverse, mais qui est un petit peu qui joue. C'est un petit peu comme un gamin qui joue un petit peu à jouer avec les limites de ses parents, quoi. En fait, c'est ça. Donc peut-être que j'ai un peu joué avec ça, notamment sur un des textes. Enfin le voilà, autrement c'est plus de littérature noire. Voilà, vous qualifiez donc en quatrième de couverture ces histoires sottes et terrifiantes. Moi je dirais même on pourrait aller plus loin, c'est plutôt horrible, c'est dérangeant, mais pas forcément dans le mauvais sens du terme. Et puis la grande chose qui ressort aussi de ce livre là, même s'il est extrêmement noir et on peut dire extrêmement violent, c'est qu'il y a un humour et une subtilité assez extraordinaires. Je pense que c'est un petit peu pour tempérer peut-être le reste, ou c'est parce que ça peut être insupportable. Je pense que la violence aussi du propos, enfin c'est peut-être un petit peu la violence de ce qu'on ressent aussi parfois. Alors là, c'est mis en mots, en poussant le curseur un petit peu, c'est comme un petit peu la musique, hein, on écoute du hardcore, des choses comme ça, de trucs comme ça, c'est en poussant le curseur. Mais c'est un petit peu ce qu'on ressent, ou la violence que la société aussi parfois peut faire à l'homme. Voilà, parce que sans être, on va dire, porteur de messages, chaque histoire, il y a quand même un certain nombre de symboles hein, qui apparaissent dans ces différentes histoires. Oui. Comme vous disiez, hein, c'est ça, c'est un peu la violence, poussée à l'extrême là, mais la violence que chacun d'entre nous peut avoir en soi, dans la vie de tous les jours, et qu'on peut basculer même, d'ailleurs voilà. Il suffit de suivre l'actualité tous les jours pour voir que des êtres très bien et très bien vus, très bien portants et très bien considérés peuvent basculer dans l'horreur la plus absolue. Dans la pire des violences. Hein, absolument. Je pense que l'homme contient ça à l'intérieur de lui, hein, de toute façon, il se promène des choses, alors c'est contenu par la morale, c'est contenu par le... ça peut être la famille, la société, ce que j'ai essayé de faire, en fait, sur les textes, c'est peut-être différentes visions aussi. Alors, vous parliez d'humour tout à l'heure, alors il y a la violence un petit peu vue différemment, quoi, de différents propos, quoi. Il y a la violence d'une personne dont la personnalité est violente dès le début, notamment Remugle. Donc je pars avec cette idée-là, donc en s'enfonçant de plus en plus loin. Alors il y a une sorte de parallèle qui existe aussi, c'est que plus en fait, c'est plus la personne est violente dans son intérieur, dans son intimité, dans la cave, c'est un petit peu là le symbole. Plus elle existe, plus elle est à la lumière au niveau social à l'extérieur. Donc c'est peut-être un petit jeu là-dessus. On s'aperçoit justement, ben, on peut peut-être revenir très rapidement, et donc il y a 5 histoires, ben, vous pouvez peut-être en dire juste un petit mot, parce qu'il faut surtout, le but de l'émission aussi, c'est pas de lire le livre, hein, c'est justement de pousser les gens à le lire en leur donnant quelques clés, mais en leur donnant pas le contenu. Hein. Oui, alors les histoires se passent, enfin toutes les histoires se passent en Bretagne. Mm-hmm. Donc c'est par rapport, moi, où j'ai vécu. Voilà, c'est ça, parce que c'est dans des lieux que vous connaissez bien. Hein. Voilà, il y a la première qui s'appelle Amarée Noire, c'est à Lorient. Alors, j'ai peut-être utilisé un petit peu le roman noir, le roman policier. Alors, mm-hmm. Ce qui m'intéressait, c'était pas faire une enquête de police, mais c'est justement la noirceur des personnages. Oui, c'était surtout d'écrire un personnage flic alcoolique, notamment. Et c'est ça qui m'intéresse justement dans les mm-hmm. personnages, en fait, c'est ça, quoi. C'est la richesse intérieure, quoi. Même jusqu'au pire, hein, de toute façon, ça peut être jusque le plus beau, les plus beaux des sentiments, jusqu'au pire de la haine d'un personnage, quoi. Mm-hmm. Alors, c'est que des personnages, hein, je rappelle, mais je ne suis pas comme ça du tout. Non, bah, on s'en doute. autrement, je pense qu'il y a d'autres. D'autres nouvelles. Alors il y en a une notamment, bah, la troisième qui se passe sur Ouessant. Là, il y a une sorte de noirceur de personnage, mais il y a une sorte de noirceur aussi des éléments extérieurs. Voilà. Et justement, je vous interromps là, parce qu'en fait, c'est un peu une constante qu'on retrouve aussi dans vos livres, c'est qu'il y a des atmosphères, hein, il y a des atmosphères bien particulières, c'est très souvent la nuit, il y a l'île Ouessant, où en raison de la tempête, le personnage principal se retrouve quelque part piégé dans cette île. Il y a les éléments, la tempête, l'orage qu'on retrouve à la fin, la cave également, oui. Qui est aussi un lieu terrible. Oui. Et c'est vrai que vous plantez des décors bien particuliers qui sont justement susceptibles d'entraîner de l'angoisse, la peur et tout ce qui en découle. Voilà, de perturber la personne mmh. jusqu'au... Alors, je pense que les personnes, on pourrait dire, ont un grain, déjà, un petit peu, je pense, ou alors une fragilité, une sensibilité. Je pensais notamment à la dernière qui s'appelle L'âge de la maturité, où là, c'est plutôt des adolescents. Mmh. Alors, c'est vrai qu'on a tendance à voir souvent les adolescents ou les enfants un petit peu comme des petits anges. Et je pense pas qu'ils sont spécialement, quoi. Ils sont une nuance du démon d'ailleurs, mmh. mais ça peut partir très vite. Alors là, c'est le cadre aussi qui vient, pour les personnes qui liront, c'est une sorte de club des cinq qui s'enfonce dans la violence, mais avec tout ce qui fait l'adolescent, avec sa fragilité, sa sensibilité, son amour parfois, mmh. son amour troublé. La douleur qu'il contient et qui a besoin d'exploser à l'extérieur et qui devient une sorte de violence, quoi. Ce qui est intéressant justement dans vos personnages, c'est qu'ils peuvent être, alors là on a, comme on le disait tout à l'heure, les deux faces de la nature humaine, c'est-à-dire que c'est des gens, on va dire comme vous et moi, qui paraissent en apparence très très gentils, très serviables, et qui ont un côté noir, bon, dans ce cas-là poussé à l'extrême, hein, mais bon, c'est la volonté de l'auteur. Oui, voilà, c'est le jeu un petit peu de... Oui, voilà, ouais. Bon, c'est pas spécialement, je suis pas toujours comme ça, hein. Je pousse pas. Là, je sais que sur un texte, oui, j'avais poussé dans une sorte de jeu, dans une sorte de défi, de provocation pure, mm-hmm. quoi, de jeu sans doute, de voir peut-être les limites de ce que la personne peut supporter, de ce que moi aussi, parce que moi je me demande quelquefois en me relisant, qu'est-ce qui m'a pris d'écrire un truc pareil. Mais bon, j'en rigole, donc ça va, mm-hmm. quoi. Je pense que c'est vrai que c'est réservé à un public averti, mais voilà, je crois. Justement, quand vous écrivez, il y a un scénario bien établi ou on avance dans l'excès, dans la violence ou autre, ça sort de votre plume comme ça dans l'instant. Est-ce que c'est bien préparé ou c'est, je dirais, mais, presque une écriture spontanée? Non, parce que c'est, pour vous raconter, en fait, ces textes, je les ai faits sur plusieurs années, à certains moments, alors à des moments précis. Alors, des moments précis de ce qu'on vit, un petit peu être un peu violent, ça peut être, comme je vous disais, socialement, ça peut être ce qu'on ressent. Donc, peut-être que ça passe par les mots, par les histoires. Donc, après, les choses se construisent, quoi. Je pense que l'écriture venait comme ça et elle construisait elle-même son, on va dire, son univers, en fait, autour, donc son histoire, quoi. Voilà. Donc, c'était selon peut-être presque un peu. Alors je les ai mis après j'ai mis ces histoires dernièrement, je les ai retravaillées, donc mon éditeur a choisi de les republier. Mm-hmm. Voilà. Il y en avait d'autres, c'était où alors oui alors, un choix qui a été fait. Mm-hmm. Pardon. Oui, c'est un choix qui a été fait d'en prendre 5 peut-être parmi d'autres que vous avez pu écrire. Ben moi j'avais réfléchi à ça, donc je retravaillais un petit peu dessus, et c'est vrai que je trouvais qu'il y avait il y avait un fil dedans qui était moi, je sais plus si je suis cette personne-là, en mm-hmm. fait. Peut-être un peu moins là, maintenant, donc j'ai un petit peu pris un petit peu de la bouteille, donc on voit peut-être le côté le plus bon. Voilà, moi ce que je cherchais aussi, maintenant j'y pense, c'est peut-être à faire sortir un côté lumineux, mmh. parce que c'est vrai que ces histoires sont noires, mais j'ai essayé d'y mettre de la lumière, quoi, ou de l'intensité, une intensité lumineuse, quoi. Oui, mais de toute façon, on le voit bien. D'ailleurs, ce qui est très intéressant aussi dans ce livre, c'est qu'il y a des descriptions tout à fait très, très intéressantes. Hein, que, donc, et puis, c'est toujours cette permanence qu'il y a entre la clarté, la noirceur, la luminosité, l'obscurité. Hein, c'est tout ce qu'on retrouve. Hein, et à la limite, tout va bien quand il fait beau. Tout commence à changer quand le soir s'installe. Hein, c'est le cas même dans la deuxième histoire où on bascule un peu plus dans le fantastique avec une histoire de loup-garou, mais alors extraordinairement à la fois cruelle mais très très très très marrante. Hein. Oui, parce que ça c'est cette histoire qui s'appelle justement Chien dans la nuit, qui se réfère un petit peu à une époque où j'ai connu à Rennes quelqu'un qui travaillait dans une radio. On avait été un soir et c'est vrai que cette radio se trouvait à Bru, qui est à quelques kilomètres de Rennes, et le soir on y allait le soir, alors bon, fallait déjà trouver les clés de la radio, c'était vraiment une toute petite radio dans un hangar. Et la nuit m'avait fait penser à ça, enfin Bru, surtout son désert, c'est un petit peu autour de Rennes, c'est un petit peu les villes dortoirs, cette sorte de lumière diffuse, de rien, quoi. Il y avait du vide, quoi, dehors, il y avait du vide avec de la brume, quoi, avec des chiens dans les fermes au loin qui aboyaient. On le ressent très bien, hein. C'est très, très, très cinématographique, même très imagé, hein, quand vous plantez très très bien le décor, hein. Et justement, ça m'avait amusé, en fait, à ce moment-là, de voir, parce que c'était une radio un petit peu, je ne sais pas si vous connaissez, ben, Canal B, justement. Absolument, oui, tout à fait. Ben, j'ai trouvé des similitudes avec Alternante. Oui, d'accord. et je me rappelle, c'était quand même une radio très rock'n'roll, donc il y avait ce côté loup-garou, des vieux rockers, des choses comme ça qui se transforment un peu la nuit, et voilà, donc je crois que c'est... Voilà. Donc c'est le, oui, je veux dire la plupart de ces histoires sont écrites à la première personne. Hein, c'est vous l'auteur, hein, je dirais, qui parle, hein, dans ces histoires. Je crois que c'est ma façon, en fait, de peut-être d'écrire. Alors peut-être moins maintenant, je fais plus un petit peu des personnages, je crée des personnages un petit peu extérieurs. Mais on y met toujours de soi, de toute façon, quoi. C'est toujours un petit peu sa propre vision, ou alors une partie de sa propre vision, ou alors, comme je vous disais tout à l'heure, un petit peu ce qu'on a vécu, la façon dont on le vit sur le moment, et ce qu'on en retire, quoi. Je sais que Remugle ou L'As de la maturité, je l'avais écrit aussi à une période où j'écrivais un petit peu sur ma famille, tout ça. Alors, je sais que dans L'As de la maturité, il y a une commune, et c'est un petit peu mon adolescence. Oui, oui, tout à fait. Vous parlez de Landévent, dans le Morbihan, voilà. Qui n'est pas cité. Mais bon, je vais juste une parenthèse, puisque pour les nombreux bretons aussi qui nous écoutent, alors il y a pas du tout, c'est pas du tout une satire de la société bretonne ou des lieux, puisque vous avez justement, vous vous servez des lieux parce que vous les connaissez, ça sert de décor aux histoires, mais alors ça aurait pu très bien se dérouler si vous habitiez dans le sud de la France, dans le nord ou ailleurs, c'était tout à fait pareil, hein, c'est simplement les lieux qui sont cités. Hein. Ouais, mais je pense que parce qu'on a tous, on n'a pas tous la même enfance, mais on a toujours un petit peu le même regard, quoi, de toute façon. Mais c'est avec raison, hein, quand vous parlez du climat de Lille, je pense que c'est un climat qui existe, même dans un petit bourg, que ce soit dans n'importe quel petit bourg de Bretagne ou de France, aussi il y a des gens, regardent les étrangers arriver avec une certaine circonspection. Hein, c'est ce que vous montrez aussi dans une des histoires, notamment. Oui, c'est vrai, parce que j'ai eu le sentiment. Parce que j'ai déménagé, en fait, moi je suis né à Quimper, mais j'ai vécu jusqu'à l'âge de 7 ans à Lanester, justement à côté de Lorient, dans un quartier où tout allait très bien. Enfin, mes parents ont eu une petite maison louée, et puis ils ont pu construire, en fait, dans la campagne, à 20 km, hein, c'était pas très loin. Mais j'avais quand même la sensation d'être un étranger, quoi. J'étais l'étranger pendant un an, deux ans. Ma mère était communiste, alors qu'elle partait. Oui, donc ça rajoutait encore un petit. Voilà, il n'y avait rien à voir, en fait, alors qu'elle participait simplement aux activités sociales, enfin. D'associations et tout ça, alors elle était très, très communiste par certains, alors, donc il y avait tout, il y a eu des périodes de méfiance comme ça, de rapport. Bon, après c'est vite tempéré parce qu'on trouve des copains à l'école, tout ça, donc voilà, ça se mélange, donc j'ai pas d'aménité par rapport à ça, quoi. Non, pas, au contraire, hein, moi c'est que des heureux souvenirs, là. Je pense que j'ai tourné ça un petit peu à l'oreille parce que c'est ce que j'adore des personnages, leur faire leur faire sortir un peu les tripes, de voir un petit peu jusqu'où ils peuvent aller, jusqu'où certains personnages sont aussi, peuvent être. Donc, Maintenant, oui, j'aimerais bien connaître un peu plus Stéphane Grangier, l'auteur, c'est-à-dire quelles sont vos influences, vos lectures. Alors, on peut imaginer la littérature un peu fantastique, pourquoi pas le cinéma d'horreur, puisque c'est aussi un genre. C'est des choses, oui, qui vous ont interpellé. J'ai pas, bizarrement, j'ai pas. Non. Alors, peut-être plus jeune, la littérature fantastique, l'anticipation, j'aimais bien tout. Beaucoup moins. Je pense que c'est surtout dans les années 90 où j'ai lu. Une période de ma vie où je sortais d'un milieu où bon, il faut bosser, voilà, c'est tout, et truc. Et moi j'avais un besoin de lire énorme, où je commençais à peine à écrire des premières nouvelles, et j'avais une carte d'abonnement à la bibliothèque en fait à Rennes, et je lisais tout, quoi. En fait, je suis passé de tout à tout, je relisais Dostoïevski, c'était en fait beaucoup, énormément de classiques. Oui, c'est ça. Des classiques, autant je passais au Japon, en Chine, je me rappelle Pakin. Alors un jour j'ai découvert Henry Miller, alors là ça m'a fait tomber par terre, quoi. J'ai trouvé ça magnifique, quoi. Et très très puissant et ouvert à tout, il n'y avait pas de... c'était pas un style littéraire particulier, ou alors lui-même était un style littéraire. Mais je trouvais ça, c'est failli donner de la force, quoi, ou d'y croire, ou alors c'est peut-être parce qu'on a besoin de croire en soi un moment. Je pense que c'est surtout ça. Alors j'ai lu aussi des romans noirs un moment, mais c'était plus, voilà, c'était des personnages, je sais que j'adorais David Goodis, un auteur de romans noirs. Lui, c'est plus une question d'atmosphère, j'aime bien ce côté atmosphère, plus que de l'enquête même, qui finalement me plaisait moins, c'est plus les stylistes, quoi. J'adore les auteurs comme ça, donc c'est très très ouvert, quoi. J'ai lu un peu, du coup, en connaissant Miller, je suis revenu vers la littérature française, alors j'ai lu un petit peu de tout, Giono, tout m'intéressait, j'avais l'impression qu'il m'ouvrait les portes. C'est une grande curiosité, plutôt qu'un genre, voilà, genre bien précis, voilà. Quoi. Mais j'avais quand même une tendance à la littérature américaine, je trouvais qu'il y avait, vraiment des mondes riches, puissants, vivants, je pense que j'avais besoin pour moi, quoi, pour me nourrir. Alors j'ai commencé à écrire des premières nouvelles, en fait, à partir de cette époque-là. Alors, ce qui est important, sur lequel il faut insister aussi, et ça c'est une qualité du nouveau, c'est pas évident d'écrire ce genre de littérature. Ça peut vraiment être complètement nul. Et là, je pense que bon, le pari réussit quand même, parce qu'il y a une belle écriture, il y a de l'humour, il y a une belle description. On va pas revenir sur ce qu'on a dit, mais c'est un genre difficile à maîtriser quand même. Mais je sais pas vraiment. Moi, je sais que c'est une amie, en fait, parce que je devais publier il y a quelques années. Bon, la boîte d'édition avait coulé, mais c'est depuis quelques temps, en fait, j'ai plus vraiment écrit depuis des années. Bah, faut travailler, faut se débrouiller. Donc, du coup, puis en fait, c'est de croire en soi. Au bout d'un moment, on ne croit plus en soi, quoi, parce qu'on n'a plus de... Peut-être qu'on n'a pas d'interlocuteur, on ne voit pas de gens, on ne voit pas de... Bon, on n'y croit plus, quoi. Et en fait, c'est une amie qui m'a dit, mais si. Donc, voilà, donc c'est le regard aussi des autres qui aide aussi. Bien sûr. À certains moments qui permettent de prolonger puis de recommencer à croire en soi et à écrire. Donc, Alors, écrire ce genre de littérature, c'est une chose, la publier, c'est une autre. Oui. Vous avez pu trouver une maison d'édition qui a accepté de ses écrits, donc les éditions de la rue Nantaise. Voilà, justement, les éditions de la rue Nantaise. Alors, Cyril Clairant, en fait, que j'ai rencontré il y a il y a 2-3 ans, en fait, ça s'est fait par un hasard, en fait. C'était justement le premier recueil qu'il a publié, donc c'était pas moi, c'était un recueil collectif. D'où j'ai publié 2 nouvelles, donc il y a La vengeance du dindon farci, ça s'appelle le recueil, donc dont la nouvelle qui donne le titre. Et c'était un petit peu, j'avais laissé, comme justement depuis quelques années j'y croyais plus, enfin j'étais vraiment dans un truc où je travaillais, où je bossais comme tout le monde, quoi. Tout le monde doit bosser, vivre, on se débrouille, quoi. Et j'étais un peu loin de ça, et j'avais laissé quelques textes à quelqu'un que je connaissais, chez lui, dans sa boîte aux lettres, et 2-3 ans, j'ai un coup de téléphone après, 2-3 ans après, où il me dit, je connais Cyril Clairant qui est... qui s'occupe des éditions de la rue Nantaise, c'est une jeune maison d'édition en fait à Rennes, oui. Et qui serait intéressé de te publier. Donc du coup il m'a publié ces 2 nouvelles dans le recueil collectif La vengeance du dindon farci. Et puis l'année dernière il m'a demandé, écoute, si t'as quelque chose et tout ça. Alors je suis un petit peu revenu sur ces textes là, j'ai réhabité, quoi, si on veut, quoi. J'aurais redonné peut-être de la vie, j'aurais peut-être retrouvé Et voilà, donc ça s'est passé. Donc il m'a publié en fait. Alors la couverture est très suggestive. Hein. On voit on voit des choses qui mettent déjà, qui mettent en bouche. Hein. Comme ça, on sait immédiatement qu'est-ce qui nous attend. Donc effectivement, on peut imaginer que c'est quelque chose qui marque. Le livre marque lui-même, mais une couverture accrocheuse comme celle-là force forcément peut-être à prendre le livre et à essayer de le. Donc je pense qu'il fallait effectivement pour ce type de littérature une couverture quand même accrocheuse, hein, oui, voilà, un peu racoleuse, on va dire, mais c'est pas forcément négatif. Ouais. Maintenant, ça pose aussi un problème, on l'a dit tout à l'heure, de la diffusion, car c'est un livre qu'on met forcément pas entre toutes les mains, donc faut arriver à le vendre. Donc je pense que peut-être qu'on le trouve pas forcément dans toutes les librairies. Il y a peut-être d'autres moyens de se le procurer, justement. Voilà. Alors d'abord, je reviens juste sur la couverture. Alors la couverture, c'est une entente avec Cyril Clairant, justement, qui est responsable de la maison d'édition Les Éditions de la Rue Nantaise, qui lui est dessinateur aussi. Il travaille pour le mensuel de Rennes et il m'a proposé ça. Enfin, moi, j'avais une idée d'image, peut-être d'image, de photo, enfin de livre, de quelque chose d'assez d'assez. J'allais dire peut-être pas de gastrique non plus, mais de noir, de chair, de choses comme ça. Et lui m'a dit, écoute, moi ça me donne une idée, si tu veux, je peux essayer de dessiner quelque chose. Et, donc on en est arrivé là, en fait, c'est son dessin. Donc moi j'ai accepté, j'ai trouvé ça sympa parce que ça faisait une sorte de partenariat. C'est pas seulement moi qui vois les choses, c'est aussi lui, donc de l'extérieur, donc je trouvais ça intéressant. Pour le trouver, alors bon, pour l'instant il n'est pas à Nantes. Alors on le trouve à Rennes, dans la librairie Le Fayère. On le retrouve à Alphagraphe aussi, qui est un petit libraire alternatif. Alors on le retrouve autrement. Vous pouvez le trouver sur le site des éditions de la Rue Nantaise. Alors www.runantaise.com. Oui, voilà, c'est ça. Dès qu'on a l'édition de la Rue Nantaise, on trouve très facilement. Hein, c'est voilà. Et autrement, vous pouvez le trouver sur mon blog. Enfin, j'ai une page qui s'appelle « À marée noire », justement, où je mets toute mon actualité. Vous pouvez le commander sur ce site. Voilà. Donc vous pouvez commander « Chien dans la nuit », donc ce livre, et « La vengeance du dindon farci », voilà. Voilà. Stéphane, pour terminer, l'avenir pour vous, l'écriture, ça va continuer. Et puis dans la même veine, si ça se fait, ou différemment? Alors, pour l'instant, j'ai l'impression, enfin, je m'amuse parce que j'ai un autre blog, en fait. J'ai une autre page, mais qui est plus justement du blog, et qui s'appelle Fucking Disgrace. Ça, c'est pour les amateurs de foot. Je me rappelle que c'est Didier Drogba en demi-finale qui avait traité la caméra comme ça, qui était en colère, ils avaient perdu un match. Et c'est plutôt des blogs, des biais satiriques, alors que ça peut être, détourner un petit peu la politique et puis en faire des fictions. Alors mon nom de blogueur s'appelle Mike Hammer, Papatam, Andropov. Donc voilà. Et autrement, je travaille sur d'autres nouvelles, sur d'autres textes à venir. Très bien. On vous remercie. Et puis de toute façon, on espère peut-être pouvoir se retrouver prochainement pour d'autres aventures. Avec plaisir. Voilà. Je vous remercie. Voilà. Merci. À bientôt, merci. Stéphane. Au revoir. Au revoir. Voilà, nous venons d'écouter Stéphane Grangier, hein, qui nous a parlé de ce livre « Chien dans la nuit ». Donc un conseil, alors il faut adhérer à ce récit de l'auteur, mais je vous conseille de revenir sur ces cinq affaires que l'on retrouve dans ce livre « Chien dans la nuit » paru aux éditions de la Rue Nantaise. Donc je vous rappelle qu'en première partie d'émission, nous avons écouté Dominique Labarrière, hein, qui est revenu sur cette affaire des Templiers aux éditions Alphée, et voilà, donc beaucoup en Bretagne se termine. Nous allons écouter pour terminer, et ce n'est pas de coutume, un autre morceau extrait de l'album des Trianes, hein, qui s'appelle Rumadou, Génération en français. Et on se retrouve le mois prochain pour de nouvelles aventures. C'était Bouquins en Bretagne. À très bientôt. Bonne écoute des programmes d'Alternante. Glir galvez an malo, ne roaz an an ane Pepler e ker ne izel, kastil e gwell d'ane Tut gus provar a stel capriol e pied droit l'argi Pied ar kavout skoaz e pied droit l'argi, mesdames Tut gus provar a stel capriol e pied droit l'argi Pied ar kavout skoaz e pied droit l'argi, mesdames Sur en tez e bet der vro, chom bet ra ar Savet sous bet estenou, va en ep dan o blanc Galvet meus train avec capriolet, pied droit d'argile. Sous les trois brossés, pied droit d'argile, mesdames. Galvetteuse en armée, capriolet, pied droit d'argile. Sous les trois brossés, pied droit d'argile, mesdames. Chomitiner marquises en eau la vaucruguette. Au fin de Sébastien Arbal, parenta vous la zette. Pétrache aux mouleuses et capriolets, pieds droits à l'argile. Besoin de trop pas de morcer, pieds droits à l'argile, mesdames. Pétrache aux mouleuses et capriolets, pieds droits à l'argile. Besoin de trop pas de morcer, pieds droits à l'argile, mesdames.